Je circule sur une autoroute. En marche normale, lorsque le trafic est fluide, je suis tenu de circuler dans la voie de droite. Mais pour l'instant, j'emprunte la voie de gauche pour dépasser. Je suis donc bien placé. La vitesse minimale à respecter dans la voie de gauche sur autoroute est de 80 km/h. Réponse D.